Voilà, c'est pour ça qu'on m'entendait plus. Solo. Attends, tu la complexifies vachement là. Ouais, la fin en fait. Tu vois le col fait. Est-ce que déjà, en sur fait, cette partie. Ça te semble. Ouais. C'est pas. Non, c'est Alors, pas moi. je vais faire une. Je vais dupliquer cette piste pour faire. Pour appliquer absolument tout ce que tu dis. Comme ça. On va voir. Merde, qu'est-ce que je fous là? Oh là, oh là, oh là! Pierre? C'est toi qui joues? Ah merde! Est-ce que c'est toi qui as piraté? Voilà. Ok. Alors, tu me dis, toi, à la fin. Pardon, voilà, cette fois, c'est bon. Donc, t'as. Alors là, tu ferais pas ta-ta, hein, tu ferais ta-ta. Ah merde, c'est quoi ça? Attends. Pourquoi j'ai pas. Excuse-moi, je me débat avec Reaper. Ouais, Simi. Donc là, tu ferais pas ta ta, tu ferais ta Ouais. ta. Ouais. Ouais. Ok, donc ça ferait ça. À la fin. Ok. Oui, pourquoi ça fait pas la suite? Mais c'est bizarre. Ah non, je sais pourquoi on n'est pas sur la. Oh. Bon, bref, on va laisser ça. Alors, en vrai, la première du couplet, c'est ça, pardon. Ouais, bah, tu vois cette fin où tu fais En fait, je l'aurais plutôt le Ouais. Ah, ok. Non. Attends. En fait, non. En fait, le. Celle-là, je la modifierai en. Comme ça? Voilà. D'accord. Celle-là, tu la descends de 2 tons. Non. Voilà, celle-là. De ton. De ton. Celle-là ou celle-là? Ouais. Ouais. Donc. Donc, tam, tam, pa, pam, pam, pom, pom. C'est fait. Ouais, sauf que ce pain, tu le montes de deux tons. Voilà, ce pain. Deux, trois, quatre, cinq, la cinquième. Celle-là. J'arrive pas à Ouais. comprendre lequel pas. Voilà. Celui-là, je le monte de deux tons. Ouais. On va voir ce que ça donne avec tout le reste. Comme ça. Ok. Ok. Un jour, je suis tombé amoureux, amoureux, et c'était délicieux jusqu'à ce que je lui attrape la main, elle était. Attends, je vais couper les paroles. En fait, Bien le qu'il faut s'en rythme n'est soucier quand pas. même pour que ça coordonne avec la basse, mais pour l'instant. Le rythme n'est pas top en fait. Ça serait bien, tu vois, à la fin de faire au lieu de faire plutôt Ouais. ta. Ça fait une cassure.